attise ma clope, siffle insolent, des airs impropres, ciel de plomb, triste plafond, couleur en ombre, des formes macabres. Au loin des chiens hurlent à la mort, et l'air de rien, la peur au corps, narque la bête imaginaire, rendu furieux, fou de colère. Adieu ma belle, je quitte le sol, mais libre à toi de continuer. Ce sera sans moi. Salut beauté. Salut beauté.